Ce matin, le message que nous allons écouter ou sur lequel nous allons méditer se trouve dans Éphésiens chapitre 5, versets 1 à 7. Le titre du message, c'est « Vivre dans l'amour sans se laisser tromper ». Sans se laisser tromper parce qu'aujourd'hui, les messages que nous écoutons sont tellement variés, sont tellement multiformes que nous, les chrétiens, nous sommes mélangés. On se demande parfois où nous en sommes. Est-ce qu'il faut écouter nos experts ou il faut écouter la Bible? Est-ce que c'est ce que la Bible qui dit qui est vrai ou bien c'est ce que les experts qui disent qui est vrai? Nous allons lire notre passage dans Éphésiens 5, 1 à 2. Je vais demander à la régie. OK. Éphésiens 5, 1 à 7, excusez-moi. Devenez, soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Et vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. Que l'immoralité sexuelle, l'impureté sous toutes ses formes et la soif de posséder ne soient même pas mentionnées parmi vous comme il convient à des saints. Qu'on n'entende pas des paroles grossières, des propos stupides ou équivoques, c'est inconvenant, mais plutôt des paroles de reconnaissance. Vous le savez bien, en effet, aucun être immoral, impur ou toujours désireux de posséder plus, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous trompe par des paroles sans fondement, car c'est pour cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. N'ayez donc aucune part avec eux. Nous allons prier. Notre Seigneur, notre Dieu, nous voulons te rendre grâce pour ton amour. Nous voulons te rendre grâce pour tes bienfaits, pour ce que tu fais dans nos vies, pour ce que tu as fait dans nos vies en nous sortant de la boue du péché, en donnant ta vie sur la croix pour nous sauver. Seigneur, aujourd'hui, nous ne voulons pas perdre de vue que c'est par ta grâce que nous sommes sauvés. Mais nous ne voulons pas non plus perdre de vue que notre rôle, c'est de vivre une vie sainte pour toi. Notre rôle, c'est de chercher la sainteté. Seigneur, nous voulons que tu nous permettes de nous situer au juste milieu et de comprendre que le légalisme ne sauve pas, mais la grâce ne nous permet pas de vivre comme nous voulons. Parce que nous sommes désormais tes enfants. Nous te remercions pour le peuple de Dieu réuni pour écouter ta parole. Gloire soit à toi, au nom de Jésus, nous te réunis. Amen. Le 21 mai dernier, j'étais ici pour apporter un message où je parlais de la grâce de Dieu. C'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Aujourd'hui, je ne suis pas venu pour vous dire que la grâce de Dieu qui nous sauve n'est plus d'actualité. Non. Il y a 500 ans maintenant que nous célébrons la réforme. La réforme, c'est des chrétiens se sont levés pour dire nous devons écouter ce que la parole de Dieu dit et non ce que le clergé dit. Et ils ont exposé leur vie. Il y en a qui sont morts. J'ai vu un film récemment, il y avait un premier réformateur qui a été brûlé, c'était le bûcher. Mais ça n'a pas découragé les autres, notamment Martin, Luther, Calvin, plus tard, à dire non, si Christ est venu dans le monde pour mourir pour nous, nous devons écouter son message et non ce que le clergé disait à l'époque. Je crois que si vous vous allez chez vous et que vous regardez un peu l'histoire de la réforme, vous comprendrez très bien de quoi nous voulons parler. Mais aujourd'hui, il est important quand même que le peuple de Dieu comprenne que la grâce de Dieu qui nous a donné le salut ne nous donne pas l'opportunité ou le moyen de faire ce que nous voulons. Parce que Dieu a donné sa vie pour nous. Nous ne voulons pas tomber dans le piège du légalisme qui dit les œuvres, ou bien il faut vivre selon les rites, ou bien il faut faire ceci, il faut faire cela. Personne ne le fait pour gagner le salut. Je veux que ce soit bien compris. Mais si nous sommes sauvés par la grâce, ça ne veut pas dire que nous pouvons faire ce que nous voulons. Nous sommes sauvés pour appartenir à Dieu et vivre selon ce que Christ veut. Dieu est saint et ça lui a coûté la vie de son Fils pour trouver la solution au péché du monde. La vie chrétienne doit être en réalité un savant mélange entre la grâce qui nous donne le salut et notre recherche de vivre pour plaire à Dieu. Vivre pour plaire à Dieu, ça veut dire marcher selon la parole de Dieu. Je voudrais ce matin vous parler d'un monsieur. Un monsieur dont vous voyez la photo. Il s'appelle Gérard Berthelot. C'est qui ce monsieur? Ce monsieur, c'est un humoriste français. Ce n'est pas mon préféré. Mes humoristes préférés sont ici au Québec. Mais Gérard Berthelot, c'est quelqu'un qui fait un type d'humour précis. C'est un imitateur. Un imitateur, il apprend à parler comme quelqu'un. Lui, il s'est donné le plaisir d'imiter les personnalités politiques, les personnalités médiatiques, les personnalités sportives. Et progressivement, il a commencé par faire quelque chose qu'on appelle le canular téléphonique. En temps, il a changé de nom, du moins il a pris le nom de sa grand-mère qui était son fervent supporter. Il s'appelle Gérard Dahan. Peut-être ce nom va vous dire quelque chose. Ce qu'il fait, il apprend à parler comme les chefs d'État français. Et il prend le téléphone, il appelle un ministre et il parle exactement comme le chef d'État. Et puis, il a une conversation avec cette personnalité-là. Et il enregistre tout. Parfois, il reçoit des confidences très embarrassantes. Mais ce que lui fait, il vient à la radio parce qu'il a une émission radio, la prochaine photo, et le chef d'État qui ne savait pas que quelqu'un appelait un ministre ou bien un ministre qui ne sait pas que quelqu'un appelait une personnalité en son nom, écoute à la radio une conversation qui... C'est quelqu'un qui a même... qui s'est même fait inviter dans la vie publique ici au Québec, il y a quelques années, en 2007, il a imité la voix de notre ancien premier ministre Jean Charest. Il a appelé pendant l'élection présidentielle Ségolène Royal, qui était une candidate aux élections présidentielles, et il lui a parlé à l'époque, Ségolène Royal a fait une déclaration sur la souveraineté au Québec, qui comparait à la Corse, et il l'a appelé pour lui dire non, c'est pas normal, et puis bon, de toutes les façons, il a eu un entretien. Et après, on en a parlé au Québec, je pense que ceux qui suivent un peu l'actualité savent de quoi je parle. Ce monsieur, comme je l'ai dit, ce n'est pas mon humoriste préféré, mais il fait un travail qui nous inspire ce matin, un travail d'imitation. J'estime que pour pouvoir parler comme quelqu'un, il faut quand même l'écouter, il faut... écouter plusieurs de ses enregistrements. Il faut le voir à la télé, voir comment il parle, quelles sont ses mimiques, qu'est-ce qu'il fait, comment il parle, parfois comment il marche. Ça, c'est un travail. Aujourd'hui, en tant que chrétien, C'est ce que l'apôtre Paul nous demande de faire. D'imiter qui? D'imiter Dieu. D'imiter notre Seigneur. Imiter Dieu, ça veut dire quoi? Un imitateur, c'est une personne dont la spécialité est d'adopter le comportement, la voix, les mimiques et l'attitude d'une autre personne afin de se faire passer pour elle. Pourquoi devons-nous imiter Dieu? Parce que nous sommes ses enfants bien-aimés. Étant les enfants de Dieu, nous devons imiter Dieu. Ceux qui sont parents ici, ceux qui ont été parents, ils savent comment les enfants apprennent à imiter leurs parents. Comment ils apprennent à s'habiller comme leurs parents. Parfois même, ils adoptent le métier de leurs parents. Les jeunes filles surtout. À se maquiller comme leur maman. Ils vont même, je pense que souvent, ils sont en conflit avec leur maman parce que la maman achète des rouges à lèvres et puis après, c'est la jeune fille qui prend. Pourquoi? Parce qu'elle veut faire exactement comme sa mère. Les garçons, c'est la même chose. Ils regardent leur père, c'est leur modèle. Dieu nous dit, parce que nous sommes ses enfants bien-aimés, de le regarder comme modèle. De le regarder comme modèle et de vivre comme lui. Qu'est-ce que Dieu fait et qui peut être un modèle pour nous à suivre? Comme nous le savons, notre Dieu est amour. La qualité ultime de Dieu, c'est que Dieu est amour. Dieu étant amour, il nous demande de regarder l'amour qu'il a manifesté pour nous et de le manifester envers les autres. D'abord de l'aimer premièrement et ensuite d'aimer nos frères et sœurs autour de nous. Parce que Dieu est un Dieu qui pardonne. Il veut que nous puissions aussi l'imiter. L'imiter dans cette qualité qu'il a de pardonner. Nous pouvons le faire en apprenant à bien comprendre la parole de Dieu. Comment pouvons-nous connaître les qualités de Dieu si nous ne pouvons pas nous plonger dans sa parole? Il a dit dans le psaume 105, verset 5, psaume 119, verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Vous savez, la parole de Dieu, aujourd'hui, nous avons une grâce de l'avoir avec nous, de tenir la parole de Dieu dans nos mains. Mais ce n'était pas le cas des chrétiens du Moyen Âge. D'abord, ce n'était pas autorisé de l'avoir parce que c'est comme si tu voulais prendre la place du clergé. Mais les gens ont donné leur vie, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour que nous puissions posséder cette parole. Nous devons vraiment nous plonger dans cette parole, étudier cette parole pour comprendre ce que Dieu veut de nous. Si nous ne comprenons pas ce que Dieu veut de nous, si nous ne pouvons pas nous rassembler en église pour écouter les messages, pour savoir ce que Dieu veut de nous, nous ne pouvons pas l'imiter. Parce que imiter Dieu, c'est d'abord savoir ce que Dieu veut. J'ai parlé de l'amour de Dieu, j'ai parlé de l'humilité de Dieu. Je parle aussi du pardon de Dieu. Je veux parler maintenant de l'humilité. Dieu est humble. Nous savons comment le Seigneur Jésus est venu dans ce monde. Il a changé sa nature pour devenir comme un être humain, comme nous. Et il a accepté de mourir sur la croix. Ça montre toute l'humilité de notre Dieu. L'apôtre Paul nous dit de considérer que nous sommes même inférieurs à nos frères. Parce que c'est ce que Dieu veut que nous soyons. Ce que Dieu veut, ce n'est pas parce que nous sommes inférieurs, mais de considérer comme. Ça veut dire que nous devons être humbles jusqu'à placer nos prochains au-dessus de nous. Il y a la sainteté de Dieu. Dieu est saint. Dans Ésaïe, même les anges ne pouvaient pas le voir. Ils sont couverts les yeux avec les ailes. Et ils chantaient « Saint, Saint, Saint ». Dieu est saint, il n'a pas changé. Si nous voulons nous approcher de lui, nous devons nous approcher de lui. Mais ne pensons pas que nous pouvons vivre dans le péché et nous approcher de lui. Saint, ça veut dire vivre sans tâche. Heureusement que la grâce de Dieu nous couvre, couvre nos péchés. Je vais revenir tout à l'heure, mais nous devons comprendre que même s'il y a la grâce de Dieu, Dieu est toujours le péché. C'est pour cela qu'il a donné son Fils. C'est pour trouver la solution au péché qu'il a donné son Fils. Un enfant, il partage beaucoup de choses avec ses parents, dont l'ADN. On parle beaucoup de l'ADN aujourd'hui. Il le reçoit de ses parents. Si nous devenons enfants de Dieu, nous devons aussi partager avec Dieu l'ADN spirituel qui nous donne la capacité d'exprimer, de nous exprimer comme Dieu le souhaite. Mais le problème que nous avons aujourd'hui en tant que chrétiens, c'est que nous tombons dans le piège de la tromperie. Même les chrétiens les plus solides, au fur et à mesure qu'on écoute ce qui se passe dans le monde, au fur et à mesure qu'on écoute ce qui se passe dans les médias, au fur et à mesure qu'on écoute ce que nos experts disent, le message semble embrouillé dans notre tête. Nous n'arrivons plus à nous accrocher au message de Dieu. Ce matin, je voulais qu'on fasse un exercice pour qu'on voit réellement entre le message de Dieu et le message des experts sur lequel nous devons mettre notre foi. Sur quel message devons-nous nous accrocher? La société dans laquelle nous vivons nous environne et proclame un message différent. Parfois même dans les églises, on écoute ces genres de messages différents de ce que la parole de Dieu dit. Les gens disent, est-ce que c'est une mauvaise interprétation? Comment ça se passe? Mais non, c'est le diable qui œuvre pour faire passer dans le peuple de Dieu des messages flous pour que nous ne puissions pas nous accrocher à ce que Dieu dit. Et dans les versets 5 et 6, 6 et 7, l'apôtre Paul nous dit de ne pas avoir part avec ces gens de frères, avec ces gens de personnes, de ne pas avoir part. Sans la mort de Christ, il n'y a pas de pardon pour le péché. Il n'y a pas de rédemption, il n'y a pas de salut. Le péché, c'est quelque chose de grave. Dans la pensée de Dieu, ça a toujours été quelque chose de grave. Et comme tel, Dieu n'a pas changé. Aujourd'hui, on ne peut pas relativiser la gravité du péché. Le peuple de Dieu doit s'éloigner du péché. Le chrétien sauvé doit faire tout en son pouvoir pour s'éloigner du péché. Ça veut dire que le péché ne doit pas être notre marque de fabrique, notre façon de vivre. Le péché peut survenir dans la vie du chrétien, mais ça doit être comme un accident. Quand on fait un accident, qu'est-ce qu'on fait? On se relève rapidement pour sortir de cet état. L'apôtre Paul parle particulièrement de certains péchés qui nous amènent dans l'idolâtrie. L'idolâtrie, ça veut dire c'est devenu une idole pour nous. C'est ça qui prend la place de Dieu dans notre vie. Même si la nourriture prend la place de Dieu dans ta vie, c'est une idole. Si la pratique de certains péchés prend la place prépondérante dans ta vie, c'est une idole. Même des choses qui sont utiles pour la vie, si ça prend la place de Dieu dans notre vie, c'est une idole. Ça veut dire que nous remplaçons Dieu dans notre vie par cette chose-là. Et ça, Dieu ne le veut pas. Prenez le temps de lire les chroniques, prenez le temps de lire les rois, et regardez, la plupart des rois qui se sont tournés vers l'idolâtrie, Dieu a mis fin à leur règne très rapidement. Mais ceux qui ont continué par suivre Dieu, comme leur père David, Dieu a prolongé leur règne. Ça veut dire que l'idolâtrie, c'est quelque chose que Dieu n'aime pas du tout. C'est-à-dire donner à une autre chose la place de Dieu. Des péchés dans notre vie qui nous conduisent vers l'idolâtrie, non, Dieu ne peut pas les aimer. Malgré qu'il nous a fait la grâce de nous pardonner. Il peut arriver que le chrétien tombe dans le péché. Je ne veux pas dire ici que quand on est devenu chrétien, c'est fini. Nous sommes dans le monde, c'est vrai. Mais vivre dans des péchés qui nous conduisent à oublier Dieu, Dieu ne le veut pas. Et ce message, c'est Dieu qui nous le donne. Il vient de la Bible. Vous savez, la Bible, c'est la parole de Dieu. Et cette parole, Dieu l'a insufflée. C'est comme beaucoup de gens qui, peut-être, ne peuvent pas d'eux-mêmes faire leur déclaration de revenus. Ou bien, tu appelles un comptable pour faire la déclaration à ta place. Mais à la fin, on te dit de signer. Quand on envoie la déclaration de revenus au service compétent et qu'il y a une erreur, ce n'est pas celui qui t'a aidé à faire la déclaration de revenus qu'on va appeler. C'est toi qui as signé, n'est-ce pas? Tu as donné le pouvoir à quelqu'un de faire ta déclaration de revenus ou bien d'écrire une lettre en ton nom. C'est comme ça que Dieu a utilisé les hommes pour écrire son message. Mais son message, il est vrai depuis l'Antiquité, depuis qu'il est écrit jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça que nous allons voir, je pense que je l'ai sur les acétates, Et la Bible est passée par toutes les évaluations possibles. Les gens se sont toujours posé des questions. Est-ce que la Bible est vraie? Est-ce que la parole de Dieu est vraie? Les gens sont passés par toutes les évaluations possibles pour attester la fiabilité de la parole de Dieu. On a comparé les histoires que raconte la Bible avec ce qui se passait au premier siècle ou bien à cette période. Jusqu'à présent, personne ne nous a dit non, il y a une dissonance ou il y a une fausseté quelque part. Sur le plan scientifique, vous savez, aujourd'hui, nous parlons de la Terre qui est sphérique, ou bien, n'est-ce pas, la Terre qui est ronde. Mais ça n'a pas toujours été comme ça pour l'être humain. L'être humain a toujours pensé que la Terre était plate. Et ceux qui osaient parler de la Terre qui était ronde, ils devaient passer un jugement. Je pense que vous connaissez peut-être l'histoire de Galilée, que le clergé a fait venir pour dire « Tu ne dois plus dire ça, sinon ta vie va passer. » C'est dans les années 1600, 1700, c'est-à-dire au 18e, au 16e, au 17e siècle. Mais regardez ce que la Bible dit sur la sphéricité de la terre. Ésaïe 40, 21, 22. Le livre d'Ésaïe est écrit 700 ans avant Jésus. Ça fait plus de 2500 ans que Dieu disait, ne le savez-vous pas? Ne l'avez-vous pas appris? Ne voulant-ils pas révéler dès le début? N'avez-vous jamais réfléchi aux fondations de la terre? C'est l'Éternel qui siège au-dessus du cercle de la terre. La terre était un cercle ou une sphère. Parce que en hébreu, c'est le même mot pour les deux. Le cercle de la terre. Il y a près de 2600 ou 700 ans, la Bible disait ça. Aujourd'hui, il n'y a aucun doute pour personne parce que nous avons des moyens efficaces pour photographier même la Terre. Tout le monde sait que la Terre est sphérique, n'est-ce pas? Mais au XVIIe siècle, nous n'étions pas encore capables de le voir, de le savoir. Des gens ont péri en voulant même annoncer cette hypothèse. Il suffisait aux savants d'ouvrir la Bible pour le savoir. Sur cet aspect, est-ce que c'est les experts ou bien c'est la Bible en qui nous devons mettre notre confiance? Il y a un autre exemple dans Job. La terre suspendue dans le vide. Aujourd'hui, nous le savons. N'est-ce pas? Mais ce n'était pas le cas. Il y a seulement 150 ans. Les gens ne savaient pas que la terre était suspendue dans le vide. Qu'est-ce que Job disait? Dans Job, chapitre 26, verset 7. C'est lui qui déploie le nord sur le vide. C'est lui qui suspend la terre sur le vide. Deux exemples. Il y a plein d'autres exemples. Je ne parle même pas des prophéties, des 2000 prophéties de l'Ancien Testament qui sont réalisées. Je ne parle même pas de ça. Je parle dans la cour de nos experts, des scientifiques. Ça veut dire que l'être humain est limité. L'être humain est limité dans sa façon de voir. Nous avons au grand maximum une centaine d'années à vivre. Ceux qui vivent plus, c'est une grâce que Dieu leur fait. Ne pouvons pas savoir ce qui se passe sur toute l'étendue de la création. Mais à partir de ces deux exemples, nous voyons comment la Bible, 3000 ans avant, disait des choses qui se révèlent aujourd'hui, vraies scientifiquement. Dans quelques années, quand on aura des outils plus performants, on va se rendre compte de beaucoup de choses que la Bible dit et que nous ne voulons même pas regarder. Entre un scientifique ou bien un expert et Dieu qui a parlé à travers la Bible. Si je dois mettre ma confiance dans une affirmation ou dans une hypothèse, qui choisir? Je pense qu'on aurait bien fait d'enseigner beaucoup plus la Bible que les experts ne le font aujourd'hui. Vous savez, les experts, ils nous ont dit la façon d'élever même nos enfants. Ils nous ont dit la façon de vivre dans ce monde. Ils nous ont dit tellement de choses qu'on se demande, mais comment cela se fait? Il y a quelques années, les experts nous ont dit au Québec ici, il faut que les élèves aient un rapport d'égal à égal avec leur professeur. Il faut que tu appelles ton professeur par son nom et que vous soyez des amis, des chums. Aujourd'hui, on voit dans les écoles comment ça devient difficile, les rapports entre les professeurs et les élèves, la discipline et tout ça. Mais ces experts aujourd'hui, ne sont plus là. pour nous dire leur mea culpa. Ça veut dire quoi? Il ne faut pas écouter les experts, c'est pas ce que je dis. Mais nous devons évaluer toutes choses. Toutes choses à la parole de Dieu. Tout ça m'amène à vous dire que ce que la parole de Dieu nous dit, c'est ça que nous, les chrétiens, nous devons prendre pour acquis. C'est à partir de là que nous devons. Aujourd'hui, on veut nous faire croire que le péché n'est pas grave. On veut nous faire croire que nous pouvons faire ce que nous voulons. L'essentiel, c'est d'aimer, mon frère. C'est d'aimer ma sœur. L'essentiel, c'est l'amour. Mais non, c'est pas ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit d'aimer, mais la Bible nous dit de fuir le péché. Dans le texte que nous avons lu aujourd'hui, la parole de Dieu a fait état de certains. On va revenir là-dessus tout à l'heure. Mais ce que nous constatons aujourd'hui, c'est que même dans les églises, le message n'est tellement pas clair que dans les églises, nous voulons vivre comme le monde. Si dans une église, nous voulons vivre comme le monde, comment nous pouvons donner l'exemple aux gens qui vivent dans le monde? Un pasteur a dit, comme vous le voyez dans la citation, « Ce qui un jour était pensable, impensable, devient pensable, puis faisable et enfin acceptable. » Le péché a pris une apparence respectable, si bien que les chrétiens finissent par l'adopter. J'ai le sentiment que les chrétiens acceptent la plupart des pratiques du monde, tout simplement avec un décalage de 5 à 10 ans. Vous savez, il y a les grandes questions de société aujourd'hui. Il y a quelques années, on ne pouvait même pas parler de ça dans les églises. On ne pouvait même pas imaginer que les chrétiens vont débattre sur ces genres de questions parce que, clairement, la Bible est contre ces genres de choses. Mais aujourd'hui, de plus en plus, on en parle, on veut savoir est-ce que c'est faisable, c'est pas faisable. Oui, vous savez, aujourd'hui, le monde est difficile, on ne peut pas interdire tout. Non, ce n'est pas ça la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça la grâce de Dieu. Des péchés volontaires dans lesquels nous voterons, c'est parce que la grâce de Dieu dit. Dieu nous a fait grâce en nous sortant de la boue du péché, en couvrant tout ce que nous avons fait quand nous étions encore dans le monde. Maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Nous ne pouvons plus retourner dans la boue du péché et écouter les gens nous dire oui, ou bien les experts disent oui, ça, c'est pas impossible, ça, c'est comme ça. Non. Nous avons vu aujourd'hui que les experts, ils peuvent se tromper. Même si aujourd'hui, c'est leur opinion que la plupart des gens écoutent, ils peuvent se tromper. Ce n'est pas le cas de la parole de Dieu. La Bible nous dit d'examiner toutes choses et de retenir ce qui est bon. Même si cela vient d'un expert, nous devons les examiner. Et pour tous les chrétiens, cet examen se fait à la lumière de la parole de Dieu, afin de retenir ce qui est bon, c'est-à-dire ce qui édifie, ce qui amène à aimer Dieu et notre prochain, ce qui donne gloire à notre Père. Le chrétien vit pour faire la gloire de Dieu. Le chrétien ne vit pas pour lui. Nous ne vivons pas pour nous. Nous vivons pour faire la gloire de Dieu. Nous vivons pour Dieu. Et pour cela, nous devons faire ce que Dieu veut de nous. Un expert, quelle que soit son intelligence, quelle que soit sa capacité, il n'est pas Dieu. Si j'écoute l'opinion d'un expert, je dois mettre ça à la lumière de la parole de Dieu. Même quand un pasteur prêche, il dit des choses, vous devez aller vérifier. Est-ce que ce qu'il dit, c'est vrai? Il peut se tromper aussi. Ça veut dire que l'autorité suprême, c'est la parole de Dieu. Je crois que le pasteur Benoît est d'accord avec moi. Non, c'est vrai. Nous sommes des êtres humains. Nous pouvons nous tromper. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des péchés qui conduisent à l'idolâtrie. Et il faut vraiment qu'on s'en méfie. Nous devons nous méfier. Quand on décide de venir au Seigneur et d'accepter Jésus, c'est une décision personnelle que nous faisons. On ne nous oblige pas. On nous présente la parole de Dieu. La parole de Dieu fait son effet en nous et nous décidons de donner notre vie à Dieu. 2 Corinthiens 5, 17 dit que toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ce que la Bible appelle quitter les ténèbres pour vivre dans la lumière. Avant, nous ne savions pas quel était le plan de Dieu pour nous. Quand nous acceptons de lui donner notre vie, nous sortons des ténèbres pour vivre maintenant dans la lumière. Et dans la lumière, nous devons faire les œuvres que Dieu veut, les œuvres qui sont éprouvées. Ce n'est pas ces œuvres qui nous donnent le salut, non. Mais quand nous sommes sauvés, nous devons la reconnaissance à Dieu. Nous devons lui montrer notre reconnaissance pour ce qu'il a fait pour nous. Et pour cela, la meilleure façon, c'est d'éviter ce pourquoi le Seigneur a donné sa vie. Dans les passages qui vont suivre bientôt, nous allons voir qu'il y a de ces péchés qui irritent particulièrement Dieu. Je ne veux pas ici introduire la notion de gravité de péché. Non, ce n'est pas de ça que je parle. L'homme, il met la différence entre la gravité. Quelqu'un qui ment et quelqu'un qui tue, la société ne le punit pas de la même manière. C'est vrai. C'est vrai que je préférerais qu'on dise que tu es menteur, qu'on dise que tu es un meurtrier. Mais avec Dieu, quand tu pèches, tu pèches. C'est ça qui a fait que même la simple désobéissance, c'est-à-dire de ne pas écouter la parole de Dieu, ce que Dieu dit, a amené une catastrophe à l'humanité. Dieu nous a créés pour vivre en harmonie avec lui. Mais c'est la désobéissance, ce n'est pas le meurtre. Le meurtre est venu plus tard. Mais c'est la simple désobéissance. Ce que peut-être aujourd'hui le monde ou bien la société ne considère pas comme étant quelque chose de grave. Je ne veux pas dire ici qu'il y a une gravité maintenant. Non, ce n'est pas de ça que je parle. Je parle des péchés qui nous amènent à oublier Dieu, qui nous amènent à l'idolâtrie. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui devient une habitude pour nous, à tel point qu'on oublie même que Dieu interdit ces choses-là. Nous devons particulièrement faire attention. L'apôtre Paul, non seulement insiste là-dessus, mais dans presque tous ses épîtres, il en parle. Il en parle dans Éphésiens, il en parle dans Galates, il en parle dans plusieurs de ses épîtres, parce que c'est tellement important. Dans Éphésiens 5, nous allons passer, regardez la liste de ses péchés. Que l'immoralité sexuelle, l'impureté sous toutes ses formes et la soif de posséder ne soient pas mentionnées parmi vous, comme il convient à des saints. Quelqu'un qui vit dans la soif de posséder, il ne dit pas oui, j'ai la soif de posséder aujourd'hui et puis demain je suis clean, c'est correct pour moi. Non, quand tu as cette soif-là, c'est une soif. C'est comme tu continues. L'immoralité sexuelle, c'est la même chose. On ne s'arrête pas. On ne prend même pas le temps. À un moment donné, on croit que c'est la façon de vivre. C'est ces choses que l'apôtre Paul nous demande de quitter. Au verset 5 de Éphésiens chapitre 5, vous le savez bien, en effet, aucun être immoral, impur ou toujours désireux de posséder plus, c'est-à-dire idolâtre. L'idolâtrie, c'est mettre Dieu et mettre quelque chose à la place de Dieu. C'est Dieu qui doit occuper la première place dans notre vie. Mais quand nous mettons quelque chose à la place de Dieu, que ce soit même une bonne chose, Dieu n'aime pas ça. C'est Dieu qui nous a sauvés. C'est lui qui doit être le centre de notre vie. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, versets 9 et 10, l'apôtre Paul fait aussi la liste de ces péchés qui conduisent à l'idolâtrie. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, ni les idolâtres, les adultères, les travestis, les homosexuels, les voleurs, les hommes toujours désireux de posséder plus, ni les ivrognes, les calomniateurs, ni les exploiteurs n'hériteront pas du royaume de Dieu. Ça, c'est 1 Corinthiens, c'est différent de Éphésiens, ce que nous avons lu, mais c'est le même genre de péché que l'apôtre Paul cite. Même dans Galates, chapitre 5, versets 17 et 21, en effet, la nature humaine, c'est-à-dire la chair, a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. La nature humaine, c'est notre nature avant. C'est notre nature naturelle, notre nature humaine. Mais Dieu, quand il est rentré dans notre vie, il nous a donné une nature spirituelle. Et c'est cette nature spirituelle qui doit primer maintenant. Et les désirs de la nature humaine sont contraires aux désirs de l'esprit. Ils sont opposés entre eux. De sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. C'est normal. Nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons quand nous sommes enfants de Dieu. Même un enfant dans la maison de son papa, il ne peut pas faire ce qu'il veut. S'il décide, lui, de sortir le matin, d'aller à l'école et ne pas revenir à la maison avant minuit, je crois que son père va lui dire que non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce que Dieu veut que nous fassions, c'est ce que nous devons faire si nous sommes ses enfants. Cependant, si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Si nous sommes conduits par l'Esprit, si l'Esprit de Dieu nous conduit, nous ne sommes plus sous la loi. Tout ce que je viens de vous citer, c'est la loi. Car les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, la colère, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont de tels comportements n'hériteront pas le royaume de Dieu. On parle de comportement. Comportement, ça veut dire c'est ça ma façon de vivre. Si je choisis de vivre comme ça, ça veut dire que je me mets à l'écart de la famille de Dieu. Je me mets à l'écart de ce que Dieu veut pour nous. Pour terminer, nous allons lire deux passages. D'abord dans Éphésiens chapitre 4, versets 17 à 19. Ou 18, oui. Voici ce que je dis et que j'affirme dans le Seigneur. Vous ne devez plus vous conduire comme des non-croyants qui se laissent guider par la sottise de leur croyance. Ils ont l'intelligence obscurcie et sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux et à cause de l'endurcissement de leur cœur. Parce que nos cœurs, notre cœur est endurci, que nous ne voulons plus voir ce que Dieu nous dit. Il faut que nous dissocions vraiment les pratiques mondaines avec les pratiques que Dieu veut que nous ayons dans la famille de Dieu. Nous faisons partie d'une famille et nous devons vivre selon les règles de cette famille. L'apôtre Paul nous demande de ne même pas en faire des sujets de discussion. C'est qu'on ne parle même pas de ces choses-là parmi vous. Dieu est saint et nous devons nous approcher de lui dans la sainteté. C'est pour ça que la sanctification doit être l'objectif du chrétien. Le chrétien doit vivre pour être saint comme Dieu est saint. 1 Jean 2, 17, 15 à 17 nous dit « N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. En effet, tout ce qui est dans le monde, la convoitise qui est dans l'homme, la convoitise des yeux et l'orgueil dû aux richesses, vient non du Père, mais du monde. Or, le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté du Père demeure éternellement. » Ce matin, je suis venu vous encourager. Juste parce que aujourd'hui, c'est difficile pour le chrétien de vivre. Aujourd'hui, dire que vous êtes chrétien, vous êtes la risée des gens. Ça fait que parfois, nous sommes tellement découragés que nous ne voulons pas que les gens sachent que nous sommes des chrétiens. Mais un chrétien caractérisé par une vie que la parole de Dieu a prescrite. Et c'est ça qui fait notre différence. Les gens vont se moquer de nous, mais la réalité, comme nous l'avons vu 3500 ans après que la terre est ronde, la réalité, c'est que c'est la parole de Dieu qui vaincra. Tout genou fléchira. Je vous remercie.